Antenne, deux secondes. On va se marrer. Pendant deux heures. Antenne. C'est un gars qui arrive au ciel et c'est Saint-Pierre qui le reçoit et il est tout content. Ah merci, bonjour Saint-Pierre. Oui, bonjour mon ami, rentre, qu'est-ce que tu fais chier là? Alors, oh bah dis donc, il y a un grand mur rempli d'horloges. Oh bah dis donc, mais Saint-Pierre, pourquoi il y a autant d'horloges sur le mur? Eh, c'est très simple, ce sont les horloges du mensonge. Chaque être humain en a une, c'est pour ça qu'il y en a des millions au paradis. Ah bon, oui. Bah, chaque fois que vous mentez, les aiguilles de l'horloge avancent. Ah bon? Mais celle-là, à qui elle appartient? Ah, celle-ci, c'est celle de Mère Teresa, tu vois? Les aiguilles, elles ont jamais bougé, car elle a jamais menti de sa vie. Ah, purée, c'est bien, ça veut dire. Et celle-là? Ah, celle-là, elle appartient à Abraham Lincoln, tu vois? L'aiguille des minutes a bougé deux fois, ce qui veut dire qu'il a menti deux fois. Ah, bah tiens, par curiosité, où se trouve l'horloge de Sarkozy? Ah, l'horloge de Sarkozy, celle-là, elle est dans le bureau de Jésus. Il s'en sert de ventilateur. Oh. C'est vrai. Et savez-vous quelle est la différence entre un i et un clocher? Oui. Le public le sait, mais j'attends. La différence entre un i et un clocher? Oui. Non. Alors le i est une voyelle. Oui. Et le clocher, c'est là où consonne. Il a même réussi à le foirer. Ça fait une semaine qu'il répète. Cet après-midi, il l'a fait à tout le monde à la station. Il a dit au moins 10 personnes. Moi, je propose. Non, c'est pas possible. Non, refais-la parce qu'on la coupera au montage. Moi, je propose qu'on la refasse. Allez, attends, on fera les surprises. Attendez, alors. Oui. Maurice, une petite blague? Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, une petite blague. De laquelle? Celle du clocher. Allez, une autre. Le clocher. Allez. Savez-vous quelle est la différence entre la lettre I et un clocher? Pas du tout. Le I, oui. C'est une voyelle. Oui. Le clocher est une consonne. Mais non, c'est la consonne. C'est là qu'on. Je la sais par cœur. J'aurais dû la jeter. Heureusement. Non. Si tu la savais pas. Le clocher. De toute façon, on ne rend pas l'antenne tant que tu l'as pas réussi. Alors, Maurice, une petite blague. Alors, le i. Mais quel le i? Non, il est blague depuis le début. Savez-vous quelle est la différence? Oui. Entre un i et le clocher. Non. Et un clocher. Ah non. Non. Moins. Non. Alors. Le i, c'est une voyelle. Oui. Le clocher, c'est la consonne. Ah! Mais attends, excuse-moi. Elle est con. Elle est con, cette histoire. Et la différence, est-ce que tu connais la différence entre un i et un clocher? Ah oui, on l'a clashé! Sans les notes! Alors, sans les notes! Oui, témoigne, là il n'y a pas les notes. Non, ne me repose pas ma table. Non. Vas-y. Alors, quelle est la différence entre un i et un. Non, c'est est-ce que vous connaissez? Oui. Ah bah si, ça va. Non. Connaissez-vous la différence entre un i et un clocher? Ah non. Personne dans le public? Non. Eh ben le i, c'est la voyelle. Oui. Et le clocher, oui. C'est la qu'on. Ça a failli. On était à ça, on était bien. Non, mais c'est Frédéric qui m'a déconcentré. Oh, bah oui. Voilà, vas-y. Alors, attends, refais-la quand même, qu'on l'ait au moins une fois. Non, qu'on l'ait bien une fois dans la semaine. Alors, vas-y. Maurice, la blague. Bon. Savez-vous quelle est la différence entre un i et un clocher? Oh non. J'aime bien. Oh non. Non. Le i, c'est la voyelle. Oui. Et le clocher, c'est là où on sonne. Ah! Je me casse. podcast. Non, non, non, n'applaudis pas, n'applaudis pas. Ça fait 15 jours qu'on se fout de sa gueule avec ça. Il ne la refait pas. Non, mais arrête. C'est là où qu'on sonne. C'est là qu'on sonne. C'est là qu'on sonne. Voilà, c'est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous la dire mot par mot, et après, David et Mickaël font le montage. Non, non, non, non. Ils l'ont déjà fait depuis longtemps. Bah oui, c'est sur Internet. Ça a tourné sur Internet pendant toute la semaine.